derrière ton dos. T'as le trac, tu nous avais dit. Quand elle arrivera, vous verrez les amis. Je ne vous dis que ça. Tu devais lui parler, la serrer dans tes bras, du baratin, tout ça. Tu ne peux plus parler, te voilà comme un idiot. Les mains derrière ton dos. T'as le trac. Gagner, c'est toi qui dois y aller. T'as le trac, t'as le trac. Elle est là. T'as le trac, t'as le trac, t'as le trac. Tu la vois. T'as le trac. Tu ne peux plus parler, te voilà comme un idiot. Les mains derrière ton dos. T'as